Les exploits de Rocambole par Ponson du Terrail. Tome 2e, La mort du sauvage, chapitre 1er. Le lendemain de l'entrevue de Rocambole avec Concepcion, et par conséquent de l'arrivée de M. de Salandrera à Paris, M. le duc de Château-Mailly vit, en s'éveillant, Zampa assis à son chevet. Zampa avait un air mystérieux et plein d'humilité qui intrigua le jeune duc. « Que fais-tu là ? » demanda ce dernier. « J'attends le réveil de M. le duc. » « Pourquoi ? N'ai-je point l'habitude de sonner ? Monsieur le duc a raison. Eh bien ? Eh bien, mais dit Zampa, si monsieur le duc voulait m'autoriser à parler, parle. Et me permettre quelques libertés. Lesquelles ? Celle d'oublier un moment que je suis au service de sa seigneurie et par conséquent son valet. Peut-être m'exprimerai-je plus clairement. Voyons, dit le duc. Monsieur le duc me pardonnera de savoir certains détails. Que sais-tu ? J'étais 10 ans au service de feu Don José. « Je le sais. Et mon pauvre maître, dit Zampa, qui parut ému à ce souvenir, daignait m'accorder quelque confiance. Je t'en crois parfaitement digne. Il allait même jusqu'à te faire son confident, n'est-ce pas, quelquefois. Et alors ? Alors j'ai su précisément bien des choses touchant Don José, mademoiselle de Salandrera, sa cousine et... Et qui ? Et vous, monsieur le duc ? Moi, fit monsieur de Château-Mailly en tressaillant. Don José, poursuivit le portugais, n'aimait pas beaucoup mademoiselle Concepcion. Ah, tu crois ? Mais il voulait l'épouser, à cause du titre et de la fortune. Je comprends. Mais en revanche, mademoiselle Concepcion haïssait profondément Don José. Ce mot fit tressaillir de joie le jeune duc. Pourquoi ? Demanda-t-il. Zampa crut devoir jouer l'embarras. Dame, dit-il après un moment d'hésitation, parce que d'abord, elle aimait le frère de Don José. Don Pedro ? Oui. Et après ? Après, parce qu'ayant cessé d'aimer Don Pedro, elle aimait peut-être quelqu'un. Ces derniers mots firent frissonner le duc d'une émotion étrange, inconnue. « Et ce quelqu'un ? » demanda-t-il en tremblant. « Je ne sais pas, mais peut-être. Achève, » fit le duc avec impatience. « Je ne puis pas prononcer de nom, mais je puis raconter à monsieur le duc certaines circonstances. Raconte. » Le duc était curieux. Et il paraissait suspendre son âme tout entière aux lèvres de Zampa. Un soir, il y a environ 6 mois, Don José m'envoya à l'hôtel Salandrera, reprit le laquais. J'étais porteur d'une lettre pour le duc. Sa seigneurie était seule avec mademoiselle Concepcion. De l'antichambre qui précédait son cabinet, dont la porte était entr'ouverte et dans laquelle je demeurais 5 minutes, je pus entendre ces quelques mots. « Ma chère enfant, disait le duc, votre beauté me met dans un bien cruel embarras. « Voici la comtesse Artoff qui sort d'ici et est venue me demander votre main pour le jeune duc de Château-Mailly. » Ce nom et ces mots piquèrent ma curiosité. « Et ?» demanda le duc. Je regardai au travers de la porte et je vis que mademoiselle Concepcion était toute rouge. « Ah !» murmura le duc, dont le cœur se prit à battre avec violence. « Et que répondit-elle ? » ?»« Rien. » Le duc poursuivit. « Les Château-Mailly ont un grand nom, une grande fortune. » Et rien ne m'a été plus cruel que de refuser. Mais vous savez bien que je ne pouvais agir autrement. Et, demanda le duc avec émotion, mademoiselle de Salandrera, ne répondit rien encore. Mais il semble qu'elle étouffait un soupir, et de rouge qu'elle était, je la vis devenir toute pâle. Le duc frissonna et regarda le valet. « Prends garde, lui dit-il, si tu me faisais un conte, si tu me mentais, je dis vrai. Il y a un mois, quand j'ai demandé à mademoiselle Concepcion une lettre de recommandation pour monsieur le duc, « Ah, c'est toi qui l'as demandé ?» Un fin sourire glissa sous les lèvres du portugais. « J'avais deviné ou cru deviner, dit-il, et alors j'étais bien sûr que mademoiselle Concepcion ne refuserait pas la lettre et que monsieur le duc, peut-être, la prendrait en considération. » « C'était assez bien calculé, en effet, dit le duc. Et ensuite, lorsque j'eus prononcé le nom de monsieur le duc, lorsque j'eus dit que je désirais entrer chez lui, mademoiselle Concepcion devint fort rouge de nouveau, mais elle ne prononça point un seul mot et me donna la lettre que je lui demandais. « Eh bien ? » fit monsieur de Château-Mailly. « Eh bien, répondit Zampa d'un air fin, j'en ai conclu que monsieur le duc pourrait bien être celui... « Tais-toi ! » dit brusquement monsieur de Château-Mailly. « Pardon, dit Zampa, monsieur le duc me permettra peut-être un dernier mot. Voyons, Don José est mort, je le sais. » Mademoiselle Concepcion est toujours à marier, je le sais encore. Et comme elle vient d'arriver, le duc fit un soubresaut sur son lit. Arrivé ? Elle est arrivée hier matin, avec son père, avec monsieur le duc et madame la duchesse. Cette nouvelle jeta un moment une sorte de perturbation dans les idées de monsieur de Châteaumailly. Il se leva précipitamment et s'habilla, comme s'il eût voulu sortir sur le champ. Mais cette fiévreuse impatience fut de courte durée. La raison revint avec ses froides considérations et il se contenta de dire avec calme à Zampa « Comment sais-tu que monsieur le duc de Salandréa est de retour ?»« Je l'ai appris hier soir par son valet de chambre. »« Ah, et j'ai pensé que monsieur le duc ne serait pas fâché de l'apprendre. » « C'est bien, » dit le duc brusquement, « laisse-moi. » Zampa sortit sans mot dire. Alors monsieur de Châteaumailly s'assit devant son bureau, appuya sa tête dans ses deux mains et se prit à rêver. « Mon Dieu » murmura-t-il enfin, après un moment de silence, « si ce valet avait dit vrai, si elle m'aimait, mon Dieu !» Et le duc prit une plume et d'une main fiévreuse, il traça la lettre suivante adressée à monsieur de Salandréa. « Monsieur le duc, à l'heure où je vous écris, un mot de la comtesse Artoff vous a peut-être appris quel intérêt, quelle haute importance j'attacherai à un entretien avec vous. Les liens d'étroite parenté qui, paraît-il, nous unissent me sont un garant de votre bienveillance, et je serai heureux, si vous voulez bien me recevoir, votre obéissant et respectueux duc de Châteaumailly. » Cette lettre écrite et cachetée, le duc sonna. « Zampa, dit-il à son valet de chambre, « tu vas porter cette lettre à l'hôtel Salandréa et tu me rapporteras la réponse. »« Oui, monsieur le duc. » Zampa prit la lettre et fit un pas vers la porte. « Prends mon cabriolet, moins de mes chevaux de selle pour aller plus vite. » Zampa s'inclina et sortit. Comme le duc de Châteaumailly montait ordinairement à cheval le matin, il y avait toujours, 19 heures en hiver et 17 heures en été, un cheval tout scellé dans la cour. « Par ordre de monsieur, » dit Zampa, qui prit le cheval aux mains du palefrenier et sauta dessus lestement. L'hôtel du duc, on s'en souvient, était situé place Beauvau. Zampa s'élança au galop dans le faubourg Saint-Honoré, faisant mine d'aller à la rue Royale pour gagner ensuite la place Louis XV et la rive gauche de la Seine. Mais arrivé à la rue de la Madeleine, il tourna brusquement à gauche et courut rue de Suresnes. Rocambole, affublé de sa perruque blonde et de sa polonaise, l'attendait. Zampa lui tendit la lettre. Rocambole la décacheta avec son habileté ordinaire et en prit connaissance. Puis il se fit raconter la conversation du valet avec le duc. « Que faut-il faire ? » dit Zampa. « Suivre de point en point mes instructions d'hier. Cette lettre n'y change rien ? Rien, absolument. Seulement... » Rocambole parut réfléchir. « Tu sais où le duc a placé ce joli cahier que tu m'as porté un soir, qui est écrit de la main de son parent russe, le colonel de Châteaumailly ?» Et, interrompit Zampa, qui lui annonce qu'il est à Salandréa, précisément. Quand vous me l'avez rendu, je l'ai replacé dans le secrétaire. Il y est encore? Non. Où donc est-il? Monsieur le duc l'a serré dans un petit coffre de bois de sandal qui renferme divers papiers des valeurs, billets de banque ou actions industrielles. Et ce coffret est dans le secrétaire? Non. Où l'a-t-il donc placé? Sur une table qui lui sert pour écrire et qui est à côté de la cheminée de son cabinet de travail. « Très bien, » dit Rocambole. Il demeura pensif un moment. « Est-ce que son coffret demeure là, habituellement ?» demanda-t-il. « Quelquefois. » « Quelquefois aussi, le duc le remet dans le secrétaire. Mais il est ce matin sur la table et le duc est trop agité pour s'en occuper. »« As-tu une double clé du coffret ?»« Parbleu. » « À merveille. » »« Que faut-il faire ?»« Aller porter cette lettre d'abord ?» et se jeter aux genoux de mademoiselle Concepcion. Tu sais pourquoi? Bien, ensuite tu me rapporteras la lettre de monsieur de Salandréa à monsieur de Châteaumailly. Va. Zampa quitta Rocambole, remonta à cheval, et fila comme une flèche jusqu'à l'hôtel Salandréa, laissant Rocambole plongé en une laborieuse méditation. Zampa demanda si le duc était levé, puis, comme on lui dit que monsieur de Salandréa s'était couché fort tard et dormait probablement encore, il pria un valet de pied de monter chez mademoiselle Concepcion et lui demanda si elle voulait le recevoir. Concepcion s'était couchée beaucoup plus tard que son père, mais elle avait mal dormi et s'était levée dès le point du jour. Elle fut si étonnée de s'entendre annoncer la visite de Zampa, qui insistait pour être introduit auprès d'elle, qu'elle ordonna à sa femme de chambre de l'introduire. Concepcion avait toujours eu, cependant, une sorte d'aversion pour Zampa. Elle le considérait comme l'âme damnée de Don José, du vivant de ce dernier, et ce n'avait jamais été sans répugnance qu'elle l'avait vu s'approcher d'elle. mais un sentiment de curiosité domina chez elle, en ce moment, cette répulsion qui lui inspirait, et elle le reçut. Zampa entra humble et rampant, comme toujours, et salua profondément Mademoiselle de Salandrera, puis jeta un regard à la femme de chambre, et Concepcion comprit qu'il désirait être seul avec elle. D'un signe, elle renvoya sa camériste. « Mademoiselle, » dit Zampa, lorsqu'il se trouva seul en présence de la jeune fille, « c'est un grand coupable que le remords poursuit, et qui vient implorer votre miséricorde et son pardon. » Et Zampa se mit à genoux. « Quel crime avez-vous donc commis, maître Zampa ?» demanda la jeune fille stupéfaite. « J'ai trahi, mademoiselle. »« Vous m'avez trahi ?»« Oui, » fit-il humblement. « Comment l'auriez-vous pu ? » demanda-t-elle avec hauteur. « Avez-vous jamais été à mon service, par hasard ?»« Je servais Don José. » »« Eh bien, et Don José m'avait fait l'espion de mademoiselle. »« Ah !» fit-elle avec dédain. « J'étais dévoué à mon maître, » poursuivit Zampa. « Je me serais fait hacher pour lui. » Ce qu'il m'ordonnait, je l'accomplissais aveuglément. Et vous m'avez espionné? Si mademoiselle veut me le permettre, je vais lui expliquer comment. Dites, fit Concepcion. Don José savait que mademoiselle ne l'aimait pas, et que ce ne serait que pour obéir à son père. Après, dit la jeune fille, il savait, ou il avait cru deviner, que mademoiselle en aimait un autre. Concepcion tressaillit, se redressa, et toisa dédaigneusement Zampa. « Don José, poursuivit le valet, m'avait chargé de rôder le soir aux environs de l'hôtel. » La jeune fille pâlit. Il était persuadé que si mademoiselle ne l'aimait pas, c'est qu'elle aimait peut-être monsieur de Château-Mailly. « C'est faux, » dit vivement Concepcion. « Or, » continua le portugais, « un soir que j'étais sur le boulevard des Invalides, » il s'arrêta, Concepcion se prit à trembler. Zampa poursuivit. Un homme descendit de voiture vers le quai, remonta le boulevard à pied et s'arrêta à la petite porte des jardins de l'hôtel. Le nègre de mademoiselle l'attendait. « Misérable !» expliqua Concepcion. « Tais-toi !»« Que mademoiselle daigne m'écouter jusqu'au bout, et peut-être me pardonnera-t-elle. »« Après, » dit Concepcion, toute tremblante, « je vis cet homme entrer, je le vis ressortir une heure après et... »« Et vous le reconnûtes ?»« Non, ce n'était pas le duc de Château-Mailly, et je ne le connaissais pas. » Concepcion respira. Le lendemain, poursuivit Zampa, je reportai le fait à Don José. Et Don José ? Don José me dit, eh bien tant mieux, puisque ce n'est pas le duc que je hais de toute mon âme. Je subirai la rivalité de la terre entière plutôt que la sienne. Et, demanda Concepcion, tu n'as pas cherché à savoir ? Quel était cet homme ? Oui, balbutia Concepcion. Non, mademoiselle, car Don José a été assassiné le jour même. Mais... Ici, Zampa sembla hésiter encore. « Parle !» ordonna Concepcion, qui se prit à respirer. « Mais, » dit Zampa, qui parut faire un effort sur lui-même, « je sais qui a assassiné mon pauvre maître. » Concepcion devint livide. « Et j'ai juré de le venger. » Mademoiselle de Salandrera crut que le sol allait s'entrouvrir sous elle et elle faillit tomber à la renverse. Ce laquais avait-il donc son secret ?« Celui qui a fait assassiner Don José ?» poursuivit Zampa, c'est monsieur de Château-Mailly. Lui ? Exclama Concepcion. Et sans doute elle allait s'écrier, ce faux, ce n'est pas lui. Mais parler ainsi, n'était-ce point se perdre elle-même ? N'était-ce point avouer à Zampa qu'elle connaissait le véritable assassin de Don José ? Elle courba la tête et se tut. Du jour où j'ai eu la preuve de ce que j'avance, acheva Zampa, je n'ai plus qu'un but, qu'une pensée ardente, venger mon maître. Et c'est pour cela, mademoiselle, que vous me voyez à vos pieds, à vos genoux, suppliant. » D'un geste, Concepcion ordonna à Zampa de se relever. « Je ne sais si vous êtes fou, maître Zampa, mais je ne comprends pas quel pardon je puisse avoir à vous accorder. Vous ne m'avez point trahi puisque vous serviez Don José. » « Non, » dit Zampa, « mais j'ai osé contrefaire l'écriture de mademoiselle. »« Mon écriture ?»« Et je me suis présenté chez monsieur de Château-Mailly avec une prétendue lettre de vous. »« Comment ? Pourquoi ? Dans quel but ?» demanda vivement Concepcion, dans le but d'entrer à son service. « Et il vous a pris ? Je suis son valet de chambre. » Un éclair d'indignation passa dans le regard de la fière espagnole. Un instant, elle fut sur le point de montrer la porte à cet homme et de lui dire « Sortez, je vous ferai chasser de chez le duc. » Mais elle se contint. Zampa n'avait-il point une partie de son secret ? puisqu'il avait vu rentrer un homme le soir par la porte des jardins de l'hôtel. Un homme que son nègre avait pris par la main et qui, on n'en pouvait douter, était attendu par elle. Et Concepcion ne répondit pas d'abord, et puis elle regarda Zampa et lui dit « C'est bien, je ne détromperai point le duc, mais que prétendez-vous faire chez lui ?»« Venger Don José. Comment ?»« En empêchant le duc d'obtenir la main de mademoiselle. » « Il y songe donc encore ?» fit Concepcion, qui se reprit à trembler. « Plus que jamais, » dit Zampa. Concepcion frissonna jusqu'à la moelle des os.